Cette histoire aurait pu se passer sur les bords du lac de Tibériade dans les années 30 de l'ère chrétienne. C'était au printemps, le grand jour de l'ouverture. Pierre surveillait son bouchon par le moindre espoir de la plus maigre friture. Pas plus d'ablettes que de bougeons. Quand il aperçut aux alentours de midi un genre de prophète, un messie, qui lui dit, qui lui dit, qui lui dit: oh, tu es Pierre, c'est sur toi que je bâtirai la terre. Tu dois sauver. J'aime mon boulot, ma famille et mes copains. Je ne peux pas m'en aller comme ça. J'aurais l'air de quoi de partir sur les chemins pour chanter tes alléluia. Fais ce qu'on te dit, lui répondit le Messie, et n'oublie pas pour